maintenant que les portes éternelles, les linteaux se sont soulevés. Alléluia. Nous voulons traverser les parvis de notre roi. Alléluia. Alléluia. Pour contempler la beauté de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, mon roi. Merci parce que tu as disposé de ton tabernacle pour nous accueillir. Seigneur, merci. Alléluia. Notre vie que l'on j'avance dans tes parvis. Le refrain du cœur céleste me ravit. Chargé de louanges au milieu des anges, rend l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi merveilleux que d'approcher. Déposer tes réserves pour que nous venions puiser. Viens puiser dans ta réserve, Seigneur. Je viens me ressourcer auprès de toi, source intarissable de Jésus. C'est comme une source de toi. Une source de joie et de gloire, alléluia. Et donner ma soif, mon Dieu. Un geste de béni parmi soi. Une vie aussi puissante et glorieuse. On n'a jamais vu de pareil. Jésus. Seulement dans ta présence, au roi. Dans tes parvis.